à toutes et tous, bienvenue dans le MAG, une émission dédiée à l'actualité de votre territoire. Aujourd'hui, dans cette édition, on va s'intéresser à l'art et à la culture dans toutes ses dimensions. Alors pourquoi ? Eh bien parce que nous sommes à la veille du 3e Salon des Arts de Printemps qui démarrera en Amboise ce 8 mai à l'église Saint-Florentin d'Amboise. Et avec qui ? Eh bien avec Patrice Poitevin, président et trésorier de l'association Artistes en Val d'Amboise. Bonjour Patrice. Bonjour, je vous remercie pour votre invitation. Eh bien c'est nous qui vous remercions d'avoir répondu à cette invitation. Justement, on se doute que l'emploi du temps du moment doit être chargé avec l'organisation du salon. Oui, effectivement. Nous recevons donc pendant 5 jours à l'église Saint-Florentin donc 20 artistes. Dans un premier temps, les 3 premiers jours, il y aura 10 artistes. Et puis le week-end, il y aura 10 autres artistes. Voilà, donc effectivement, c'est une organisation assez intense. Alors, cette aventure d'artiste en Val d'Amboise, elle a démarré quand, Patrice ? Eh bien, écoutez, c'était la volonté d'un certain nombre d'artistes du Val d'Amboise, justement, d'être en quête d'un lieu d'exposition. Et nous nous sommes adressés donc à la mairie d'Amboise, qui nous a proposé, d'une part, l'église Saint-Florentin, mais également donc la salle des fêtes. À partir de là, donc, nous avons créé une association fin 2021. Et dès 2022, donc, nous avons exposé à peu près 6 fois dans l'année. Et maintenant, nous avons ce rythme de 6 expositions dans l'année. Avec des fois un petit écart sur Nazel-Négron, puisque donc, la mairie souhaitait également donc, que nous organisions ce genre d'exposition. Donc voilà, 6 expositions dans l'année. Val d'Amboise, ça a tout son sens aussi d'aller se déplacer un petit peu autour. C'est vrai, mais c'est pas facile dans les plus petites communes parce qu'il y a l'attrait des visiteurs quand même. Et c'est vrai qu'Amboise reste emblématique pour ça. Entre les visiteurs classiques, les visiteurs de la région du Val d'Amboise, mais beaucoup les touristes. Évidemment. Alors la volonté de votre association, elle est de promouvoir les artistes, qu'ils soient pro ou amateurs, si je ne me trompe, qui en sont membres ainsi que les invités. Et pour cela, vous avez différents outils, et notamment un site internet, artistesenvaldamboise.com, sur lequel on a notamment une boutique, c'est la galerie d'artistes. Tout à fait. Donc, nous avons créé l'association, mais on a créé en parallèle, effectivement, un site internet sur lequel on peut retrouver à peu près les 115 artistes de l'association. Et donc, chaque artiste présente une 10aine d'œuvres à la vente. Et donc, les visiteurs du site internet peuvent effectivement acheter en direct, sans commission, les œuvres des artistes. C'est un peu ce qui vous différencie, finalement, d'autres associations artistiques. C'est que là, les artistes sont membres, ils sont adhérents. Absolument, oui, ils sont adhérents. Leur garantit au moins une exposition dans l'année. Et on arrive avec la chance que nous avons d'avoir une belle entente avec la mairie, c'est qu'ils nous proposent quand même pas mal de dates d'exposition, ce qui permet pratiquement d'avoir 2 expositions dans l'année pour pratiquement tous les artistes. Alors il y a également une possibilité qui s'offre aux visiteurs du site internet, c'est de pouvoir s'inscrire à des cours particuliers ou collectifs. Non, je me trompe. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que nous proposons, via surtout les réseaux sociaux, nous proposons, et même par le site internet, on a un certain nombre d'artistes qui font des stages, des cours. D'accord. Et nous publions, puisque c'est vraiment l'intérêt pour nos adhérents, nous publions tout ce qu'ils font comme activité en dehors de l'association, mais pour permettre à des personnes d'apprendre à peindre ou à sculpter. C'est ce que nous offrons aujourd'hui par ce biais-là, oui. Alors, Patrice Poitevin, je vous propose de marquer une petite pause en musique avec Leonard Cohen, un titre que vous aimez particulièrement, un titre emblématique, Alléluia. Absolument, oui. Ça se prête bien à l'idée de l'église Saint-Florentin. C'est ça, hein, absolument. On est dans le thème. Donc, on va écouter tout de suite ce magnifique titre de Leonard Cohen. On se retrouve tout de suite après pour vous nous expliquer un petit peu plus quels seront les participants à ce salon d'art. Merci. Now I've heard there was a secret that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the 4th, the 5th, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Bathing on the roof, her beauty and the moon. don't even know the name. But if I did, well, really, what's it to you? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard, the holy or the broken. Hallelujah. Léonard Cohen, Alléluia, sur Radioactive. Vous êtes toujours dans le MAG, émission dédiée à l'actualité de votre territoire. Et aujourd'hui, je reçois Patrice Poitevin. Patrice qui est président et trésorier de l'association Artistes en Val d'Amboise et qui est à pied d'œuvre pour l'organisation du 3e salon des arts de printemps qui démarrera en Amboise ce 8 mai à l'église Saint-Florentin d'Amboise. Alors Patrice, vous nous avez expliqué un petit peu l'émergence de cette association, donc ce collectif d'artistes hein, que vous réunissez au sein de cette association. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler un petit peu plus du programme détaillé de ce 3e salon? Qu'est-ce qu'on va y retrouver notamment? Quel type d'art allons-nous pouvoir retrouver? Alors effectivement, donc nous avons essentiellement des peintres et des sculpteurs, du kirigami aussi. On a des artistes variés hein, qui font des fois des doubles fonctions, puisque nous aurons Marlène Guichard qui est également une soprano professionnelle, et nous aurons également Nicolas Vézard qui est une des vampes très connue des années. Voilà, c'est par exemple les artistes que nous aurons. Il y a le 3e salon des arts de printemps. Il y a aussi quelque chose qui nous tient à cœur, puisque c'est la première fois qu'on le fera, c'est le premier festival des arts au château de Possé-sur-Cisse le 29 et 30 juin. C'est vraiment un festival qui va être assez original, puisque donc il y aura plus de 60 artistes dans le parc. Il y aura 6 poètes qui viendront dédicacer leur recueil, et il y aura des concerts de musique, des clowns, des magiciens. Enfin voilà, ça sera vraiment notre grand événement de l'année 2024. Alors vous évoquez la poésie, justement vous proposez de manière très régulière des rencontres poétiques. Tout à fait, une fois par mois donc nous organisons des rencontres poétiques où à peu près entre 20 et 40 personnes viennent autour de Madame Geneviève de Platière, qui est ma femme, qui est la poète, et qui organise effectivement ces séances. Ça dure deux heures et demie, et chacun vient avec des textes qu'ils ont écrits ou des textes d'auteurs connus, et ça se passe d'une façon très amicale, très sympathique. Voilà. Là encore, il faut être adhérent à l'association. Non, par contre, la particularité, c'est effectivement les poètes, enfin ces rencontres poétiques, tout le monde peut venir, il n'y a aucune obligation, aucune contrainte, aucun coût, c'est gratuit. Alors, il y a une volonté que l'on retrouve aussi dans votre démarche. Hein, j'ai exploré évidemment le site internet. C'est l'accès à l'art et à la culture pour tous. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des personnes aujourd'hui qui se sentent un peu loin de l'art ? Oui, ça c'est tout à fait clair. D'ailleurs, on le voit au nombre de visiteurs. Assez délicat de faire découvrir l'art, et particulièrement peut-être pour les jeunes. C'est triste, c'est dommage. Si on faisait peut-être du manga ou des choses comme ça, peut-être que ça fonctionnerait mieux. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est pas toujours très évident. Nous avons une population, d'ailleurs, c'est très particulier quand on regarde dans les réseaux sociaux. On a 70% de femmes qui sont intéressées par l'art et seulement 30% des hommes. C'est un tout petit peu dommage. Voilà. Cela voudrait-il dire que le regard féminin a plus de perception par rapport à l'art? Je pense, oui. Je pense qu'elle c'est intéressant, est... oui. Ça. Voilà. On peut vous organiser un débat, Patrice, prochainement sur cette question. D'accord. Donc, en tous les cas, là, l'accès à l'église Saint-Florentin, est-ce que ce sera en accès libre? C'est toujours... Toutes nos expositions, nos salons, nos festivals sont en accès gratuit totalement, oui. Bien sûr. Donc là, accès à la culture vraiment pour tous. Absolument. Et c'est vraiment à portée de main. Puisque et surtout, voilà. Et en plus, donc, tous les artistes sont tenus d'être présents quand on fait des salons. Ils sont là pour, justement, accueillir les visiteurs, pour leur expliquer la façon dont ils ont fait l'art, comment ils ressentent leur tableau. Donc ça aussi, c'est important d'avoir la présence sur toute la durée du salon. Donc, vous invitez aussi nos auditeurs qui feront leur petit tour, évidemment, l'église Saint-Florentin, à questionner les artistes, à discuter avec eux, parce qu'on n'ose pas toujours quand non, on non, passe. Non, ils sont là, c'est pas une contrainte pour eux, c'est un plaisir, et ils sont systématiquement là de 10h du matin à 19h pour accueillir justement les visiteurs et justement pour leur faire partager un petit peu ce qu'ils ont fait. Donc c'est avec plaisir qu'on les recevra. Donc vous l'avez dit, du mercredi 8 mai au dimanche 12 mai, troisième salon des arts de printemps, de 10h à 19h avec simplement une petite fermeture à 18h le dimanche. Oui. Eh bien, on souhaite bien du succès à ce troisième salon et rendez-vous au mois de juin alors pour aussi cette rencontre Festival des Arts à Possé-sur-Cise. Avec plaisir, je ne demande que ça. Je vous remercie en tout cas pour votre invitation et bonne continuation. Merci beaucoup, c'était Patrice Poitevin, président et trésorier de l'association Artistes en Val d'Amboise. C'est la fin de ce mag, je vous souhaite à tous un excellent week-end.